Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups humains. Cette semaine, La Manif est à nous, une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Annabelle Brouard. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'il y a longtemps, Adila Benedjaizou m'avait parlé de son expérience traumatique au sommet de Gênes et que de là avait découlé l'envie de raconter l'histoire de ceux et celles qui descendent dans la rue pour défendre leurs convictions, quelles qu'elles soient. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, l'intime qui se mêle aux politiques, une bande de copains qui militent, des histoires d'amour, un mort, des violences policières et un jeune homme matraqué dans la rue, torturé en détention, qui a perdu sa naïveté pour toujours et a pu se demander où étaient passés ses amis. Mais pour commencer, premier épisode, on sort le mégaphone. Aujourd'hui, nous, petits sujets rebelles, vous déclarons formellement la guerre. È una scelta che voi avete provocato, perché noi preferiamo la pace. È una decisione che per noi significa sfidare la vostra arroganza e la vostra forza, ma siamo obbligati a farlo. È veramente incredibile. Stanno attaccando il Converter Center. Non sono all'interno, però sono fuori sul cancello. Sì. Ci stanno semplicemente sparando lacrimogeni dentro e temo che il prossimo passo sia quello di cercare di entrare. Oddio! Gênes 2001, manifester tue. Un jour, j'ai levé une armée. J'ai levé une armée et je suis partie en guerre contre l'Empire. On se battait à coups de banderoles et d'autocollants qui disaient « Ce monde n'est pas une marchandise ». On se disait « altermondialiste ». El viento viene, el viento se va por la frontera. À seul ! On ne craignait ni la police, ni la défaite. On était vaniteux et ridicules la plupart du temps. Mais on s'en foutait, puisqu'on avait raison. Liberté de circulation, les frontières, c'est l'arme des patrons. La première grande bataille que nous avons livrée fut la dernière. Elle a eu lieu à Gênes en juillet 2001. Quel âge tu avais quand tu es partie à Gênes? Est-ce que je peux mentir un peu? Je me demandais hier soir. Je pense que j'avais autour de 25, 26. C'était l'été. Moi, Gênes m'appelait. Je ne pouvais pas ne pas aller. Je suis née en 1973 et j'ai grandi entre deux blocs. Et quand l'un de ces deux blocs s'effondre, un type nommé Fukuyama décrète que c'est la fin de l'histoire. J'ai 20 ans et le sentiment que plus rien ne changera jamais. Alors quand 10 ans plus tard, à la fin des années 90, le mouvement altermondialiste se développe, forcément, comme la plupart de mes amis, je suis transportée. On lit Naomi Klein et Tony Negri et on a l'impression qu'enfin quelque chose est possible. On décide de créer un groupe militant pour participer à ce qui se passe. En fait, je suis venu parce que je suis délégué de mon lycée. Alors, je suis partie de Socialisme par en bas, je suis partie d'Attaque aussi. Ils sont en train de briser tous nos droits à l'éducation, ils sont en train de briser nos retraites, ils sont en train de briser tout notre avenir. Maintenant, c'est à nous de construire une alternative révolutionnaire et pour ça, il faut descendre dans la rue et mobiliser. Donc, c'est pour ça qu'on vient. Eh ben, j'avais, donc c'était 2001, donc j'avais 25 ans. On est tous jeunes, diplômés, citadins et blancs. À part Leïla et moi, qui sommes plutôt beige foncé. Comment tu t'appelles ? Antoine. Quel âge t'avais quand t'es parti à Gênes ? Eh ben, je crois bien que j'avais 21. Mais on va recalculer peut-être, c'est 2001. Ouais, c'était ça. Parmi les membres du groupe, il y a mon colocataire, un ex-petit copain, des anciens et des nouveaux amis. Ça, t'étais hyper jeune. Ouais, je sais pas, tu crois ? Enfin, moi je trouve pas que j'étais jeune. J'étais jeune pourquoi ? Par rapport à quoi ? Non, mais en fait, là, moi, je repense à notre histoire. Je me suis dit, quand on s'est rencontrés, t'avais 22 ans. En même temps, ouais, j'avais l'impression que j'avais déjà vécu des choses, en fait, avant. Enfin, j'avais pas l'impression de découvrir, en fait, tout d'un coup, l'amour, en fait, pour la première fois. C'est une époque où je mélange politique, amitié et amour. Je vis tout en collectif et je filme tout ce que je vis. Ce sont mes archives personnelles que vous allez entendre. J'avais 27 ans. Ça fait du 27 ans du coup ? Ouais, c'est ça, 27 ans. Ce récit de Gênes 2001 est parcellaire et parfois de très mauvaise foi. Mais c'est le mien, le seul que je puisse vous délivrer. Nous sommes persuadés que le groupe que nous avons créé va recruter en quelques mois des milliers de militants. Il faut lui donner un nom simple, efficace et attirant. On a réfléchi longtemps avant de trouver. Il y avait une autre proposition, qui vaut ce qu'elle vaut. Je vous la montre, c'est ARG, comme ça. Ça veut dire apprenti agitateur pour un réseau de résistance globale. Quoi ? Apprenti agitateur pour un réseau de résistance globale. De A, de R, un G, c'est ça. Moi, j'étais pas fan de la signification de l'acronyme, j'aimais bien le côté interjection comme ça, ARG, comme ça, voilà, qui exprimait un truc, genre, à la fois de dégoût et puis de colère. Il est 9h du matin. Quelques milliers de jeunes envahissent le centre de Seattle pour dire non à tout et surtout au WTO, l'OMC, responsable de tous les maux. Leur objectif, mettre une joyeuse pagaille à quelques heures du sommet. Vous avez beaucoup frappé quantité de gens voilà, qui avaient envie de faire des choses. C'était évidemment le contre-sommet de Seattle en 99, qui a été une espèce de grosse découverte. On s'est rendu compte que là, il se passait quelque chose d'extraordinaire. J.C., membre du collectif ARG. Parce que on avait voilà les Anas américains qui sortaient de l'Oregon et qui arrivaient avec leur tactique incroyable, qui mettent un bordel pas possible, qui bloquent complètement le sommet. Les types sont comme des fous et d'un seul coup on a voilà, il y avait l'idée que disons la mondialisation était en train de changer de sens et qu'il y avait vraiment de la confrontation globale qui était en train de se faire avec des gens extraordinaires qui font des trucs pas possibles. Ouais. Vite, fais un nœud. C'est vrai qu'on avait tous été envoûtés par Seattle, puis Nice, Québec, Prague. Et on rêvait de faire des actions marrantes et spectaculaires, comme ACT UP ou Reclaim the Street. À gauche, là. Vite, vite. Ça monte, ça monte, ça monte. On a envahi un labo de génétique déguisé en José Bové. On a envoyé des poils de cul à Sarkozy. On venait déguisé dans les manifs. Et on adorait lâcher des banderoles. Même si on n'était pas très bon pour ça. Merde, il y a un fil qui accrochait là. Ce qui était nouveau avec ARG, en fait, c'est qu'on se contentait pas d'être dans un mouvement qui était éventuellement créé par d'autres, décidé par d'autres. On savait ce qu'on allait y faire, en fait. On venait pour y faire des choses. On faisait, quoi. On peut comparer ça, je sais pas, au premier mois d'une histoire d'amour. On est à fond, etc. À bloc, on pense qu'à ça. C'est l'activisme, enfin, c'est l'enthousiasme. On était une bande, quoi. Et on faisait des trucs ensemble, on faisait des coups, on faisait nos actions, ça marchait, on emmerdait le monde, on avait les médias qui marchaient à bloc aussi au début, parce qu'ils avaient l'impression qu'on apportait un truc tout nouveau, etc. Donc, le sentiment de, au meilleur sens du terme, de puissance, en fait, de pouvoir collectif, de pouvoir faire des choses. On se met à 15-20, on phosphore un peu, et avec les moyens du bord, on bricole des trucs et on y va, quoi. Mais notre véritable objectif, celui qui a provoqué la création de ARG, c'est le G8 de Gênes. On arrive quelques jours avant le début du contre-sommet, avec notre matériel habituel de travail, bande de peinture, machine à bulles et déguisements. Alors, on va tout d'abord, on peut passer même par une petite ruelle. Tu vois, là il y a le vieux port, non ? La ville est vide. Les magasins sont fermés. Les vitrines sont protégées par d'immenses panneaux de contreplaqué. C'était zone rouge. Tout le monde savait que c'était absurde de faire le G8 dans une ville comme Gênes. Salvatore Palida, sociologue. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont militarisé complètement la ville. Ils ont fait une campagne hallucinante des médias pour terroriser la population. En disant, allez-vous-en, partez, ne restez pas à Gênes, c'est dangereux. Les gens qui habitaient au centre-ville devaient avoir un permis. Enfin, on était tous fichés, c'était hallucinant. J'habitais juste à côté d'une grille de plus de 8 mètres. Manque de peau, le tabac était derrière la grille. Alors on devait passer à travers un trou, les sous et les mecs qui nous donnaient les cigarettes. D'un côté de ces grilles, il y a les 8 chefs d'État les plus puissants du monde. Et de l'autre, il y a nous qui disons « Vous êtes 8 et nous sommes 6 milliards ». La tension monte entre les deux camps et finit par éclater. Polizia. Sì, buongiorno. Dico, è possibile che stanno arrivando le autorità, un imbécile a steso le... Pouvez-vous envoyer une patrouille? Le mutande dalla finestra. Un imbécile a étendu ses culottes à la fenêtre. Exactement en face du palais ducal. Comme vous pouvez l'entendre dans cette archive de la police, les Génois n'ont pas le droit d'étendre leur linge aux fenêtres. Silvio Berlusconi, qui ne veut pas perdre la face aux yeux du monde, le leur a interdit. Aussitôt, la culotte devient l'étendard de la résistance à la mondialisation. Il m'a demandé s'il pouvait les étendre. Je lui ai dit non, mais il l'a fait quand même. Il y a aussi des rumeurs plus inquiétantes. On dit que les manifestants vont lancer des ballons remplis de sang infecté du virus du sida. Que la mairie de Gênes a commandé 200 body bags noirs, ces sacs destinés à contenir des cadavres. Nous, on l'a tellement attendu, ce contre-sommet, que ces ondits ne nous alarment pas. On le sait, avant chaque contre-sommet, on nous promet le pire, alors... On arrivait vraiment en joie, quoi, à Gênes, quoi. Puis là, il y a le concert de Min Chao, on retrouve nos potes. On est vraiment dans l'esprit de la fête, de ce qu'on est venu chercher, en fait, une espèce de grande fête militante. Il y avait quelquefois un hélicoptère qui se baladait, qui s'approchait, mais à ce moment-là, c'était presque ridicule, en fait. Vincent, membre du collectif ARG. Quand tu voyais l'hélicoptère qui arrivait, même pas peur à ce moment-là. Est-ce que vous avez déjà eu peur au moment, dans une action ? Je me rappelle d'avoir fait un training avec deux Américaines qui avaient essayé de nous apprendre comment se comporter au cas où ça vrillait avec la police. Donc on était dans un stade, des gens jouaient le rôle des policiers et d'autres jouaient le rôle des manifestants. La peur est évidemment un des moyens les plus puissants que le système a pour nous contrôler. And the more we can learn to deal with our fear and act instead of fear, the less they can control us in our lives or in our actions. Elle nous avait dit, bon voilà, si un policier vous tape, vous mettez vos mains dans telle situation, elle disait des trucs très très précises, si les pouces devaient être à l'intérieur ou à l'extérieur des poings, par exemple, ça je me rappelle. Ou bien il faut s'allonger, tout ça et tout. Et moi je me dis, mais pff, putain, c'est sympa, mais je vais aller me baigner, quoi, c'est bien. On l'avait fait, ça m'avait fait marrer de le faire, mais je voyais pas trop. Je me rappelle vraiment ne pas voir du tout l'intérêt de faire ça avec ces deux Américaines que j'avais trouvées par ailleurs sympathiques. Cette gentille Américaine s'appelle Starhawk. Mais à l'époque, on n'a aucune notion de ce qu'est l'écoféminisme. Un contre-sommet, c'est comme une attaque de château fort. Il y a la zone rouge, où les grands de ce monde sont réunis, et nous, les manifestants, on essaye d'entrer. Chacun avec sa méthode. Ça s'appelle la diversité des tactiques. Le 20 juillet, ARG fait partie du Pink Bloc, un cortège d'actions non violentes. Il existe aussi un White Bloc, strictement non violent, les Tutte Bianche, qui prônent la désobéissance passive, et le Black Bloc, au sein duquel chacun est libre de ses actes. ARG est censé faire tomber la grille de la zone rouge, à l'aide de filins et de mousquetons. Je me souviens que j'étais scout, éclaireuse du Pink Bloc. Je ne parle pas italien, et sur mon Nokia 3310, je mets 10 minutes à écrire un SMS. Je ne sais pas comment on a atteint la zone rouge, mais ce n'est certainement pas grâce à moi. Toujours est-il qu'après 3 tentatives ratées et plusieurs filins rompus, le Pink Bloc décide de se replier loin de la zone rouge. Il fait très chaud, alors on s'arrête sur une place ombragée depuis laquelle on voit la mer. Tout est calme et abruti de soleil. On sent que c'est l'heure de la sieste. Je me souviens en fait d'avoir vu à ce moment-là un groupe de policiers en fait arriver. Vedo un blindato davanti con una torretta in mezzo al fumo. Li vedo muoversi, li vedo stanno avanzando con i blindati. J'ai souvenir en tout cas que très vite on a senti qu'il y avait un danger. Ma siete dei vicenti, Cette scène, c'est surtout une scène, finalement, au niveau du son, quoi. Moi, c'est surtout les bruits des coups de matraque et puis les bruits, en fait, des plaintes, quoi, les gémissements, en fait, des gens qui se faisaient frapper. Ça, c'était le début de, d'une journée complètement folle. Les policiers nous ont pris dans un coin. Nous sommes un groupe non-violent. Ils ont matraqué une dizaine de personnes. En quelques minutes, il n'y a plus de Pink Bloc. Nous sommes redevenus les jeunes gens polis que nous avons toujours été. Sans doute que si on avait grandi dans ce qu'on appelle les quartiers, on aurait été moins surpris par cette violence. Mais nous sommes de jeunes bourgeois qui se moquent des flics, mais qui ne les voient pas comme des ennemis. On a 3 blessés et 1 disparu. C'est Raphaël, avec qui je suis sortie quelques mois plus tôt. Bientôt, le bruit court qu'un manifestant a été tué. J'ai un sentiment d'irréalité. Dans la vraie vie, mes ex ne courent pas le risque d'être tués. Résultat, ils me sont tombés dessus, les mecs. J'avais aucun signal en cours, donc je savais même pas qui c'était. Voilà. Je les avais pas vus, quoi, du tout. Je les ai jamais vus, en fait. Raphaël, membre du collectif ARG. C'était vraiment le blitz, paf, ça, la pluie de coups, et puis les premiers coups font mais vraiment extrêmement mal, quoi. C'était vraiment fou, ce truc. C'est-à-dire que les mecs sont vachement forts, quoi. Je veux dire, on voit qu'ils se sont beaucoup entraînés à te casser la tête, quoi, vraiment, parce que j'ai pris une pluie de coups en, je sais pas, 3 secondes, mais je sais pas, une douzaine de coups, quoi. Faut quand même se coordonner pour arriver à faire atterrir autant de coups de matraque aussi violents sur une seule tête. C'était des tapeurs de tête, les gars. Ils voulaient ma tête, quoi. Les seuls trucs, c'est que j'ai eu des réflexes de défense. Donc, je me suis mis les mains, par exemple, sur la tête. Et donc, avec leur saleté de matraque creuse ou je sais pas quoi, bah, ça casse les os, hein. Donc, c'est parfait. Donc, j'ai eu un, bah celui-là, là, tu vois, dont tu vois là la cicatrice, ce fût-là, il a été fracturé parce que j'ai fait ça, quoi. Simplement, j'ai porté par réflexe ma main sur ma tête. Et donc, ça, voilà, ça a cassé ça. Puis après, tu te dis, il continue de me taper dessus. Ça devient vraiment juste une information. Le champ de vision s'arrête. Donc, blackout, plus d'image. Ça devient noir. Et puis, par contre, le petit vélo de la conscience continue de tourner. Puis, il y a une sorte de dilatation du temps. Du coup, ça faisait. Je crois qu'ils ont l'impression de m'avoir tué, quoi. Mais en fait, non, c'est bon, je suis encore vivant, quoi. Ça va, c'est bon. Ils m'ont pas vu, quoi. Puis je me sens tomber, je me dis, ouais, bah du coup, ils vont penser que je suis mort, bah voilà. Mais non, je suis pas mort, c'est bon. Ouf. En fait, le mort a été tué dans un autre quartier de la ville, Piazza Alimonda. Il s'appelle Carlo Giuliani. Et il a 23 ans. Oddio, cazzo, c'è uno peccato. Oddio! No! No, porca troia! Merda! Servirebbe la polizia mortuaria per rimuovere urgentemente il cadavere. La police mortuaire est demandée pour déplacer de toute urgence le cadavre. Plus urgentemente possibile. Le plus vite possible. Une ambulance, vite, place Alimonda. Les carabiniers ont fait marche arrière sur un garçon qui a la tête défoncée. La giornata ero al lavoro in ufficio. Le 20 juillet, ero a Milano. J'étais au travail à Milan. Tornata a casa, il mio Je suis rentrée à la maison la televisione, cosa che et mon compagnon a allumé la télé. Notizie di quello che accadeva in città, insomma. On voulait des nouvelles des manifestations. Quindi mio fratello era già stato ammazzato. Mais en fait, à cette heure-là, mon frère avait déjà été abattu. Elena Giuliani. Et Fabrizio così accese la televisione e c'est comme ça que Fabrizio a allumé la télé et que j'ai reconnu la silhouette de mon frère. Però in quei momenti non vuoi vedere, non vuoi sapere, non ci vuoi credere. Mais dans ces moments-là, on ne peut pas croire une telle chose. Non sono riuscita a mangiare, non stavo bene, je n'ai pas réussi à manger, je me sentais mal. L'image continuait à me tourner en tête. E allora ho preso il telefono e ho chiamato sul cellulare mio fratello. Alors j'ai téléphoné sur le portable de mon frère. Mi ha risposto la voce di un uomo. Une voix d'homme a répondu. Era una voce che rimbombava come in una stanza vuota. C'était une voix qui résonnait comme dans une pièce vide. E mi disse. Et il m'a dit. Ah signora, sono un amico di Carlo. Je suis un ami de Carlo. Carlo mi ha prestato il suo cellulare. Il m'a prêté son téléphone, mais je n'arrive plus à le retrouver. Quando ho chiuso la telefonata, ho chiamato subito i miei, ho parlato con mio padre e gli ho detto. Dès que j'ai raccroché, j'ai appelé mes parents. Mi hanno risposto. J'ai parlé avec mon père. E je lui ai dit que quelqu'un m'avait répondu sur le portable de Carlo. Non mi convinceva la voce, però non potevo. La voix ne m'avait pas convaincu, mais je ne pouvais pas le dire. Di più. E allora lui mi ha detto, ma provo a cercarlo anche io. Mon père a proposé de rappeler. Era staccato, non dava più. Mais à ce moment-là, le téléphone était éteint. Non hanno più risposto. Il ne répondait plus. Avevano ammazzato mio fratello. Il venait de tuer mon frère. Carlo gli hanno sparato in faccia senza dargli nessuna alternativa. Carlo, ils l'ont tué de face, sans lui laisser aucune alternative. Perché volevano. Et je suis sûr qu'ils l'ont fait à dessein. Ci sono tante cose strane che il y a tellement de choses étranges qui ont eu lieu Piazza Alimonda. La carica, cioè Piazza Alimonda scoppia. La charge Piazza Alimonda se déclenche pourquoi? Senza deux défendeurs, des véhicules de l'armée sans protection adéquate, dont l'un n'a même plus de pare-brise arrière. Su questo defender sono collocati un paio di carabinieri che erano sur stati, ce défendeur, lui, Mario Placanica, il y a deux carabiniers intoxiqués par les lacrymogènes, dont Mario Placanica, qui va tuer mon frère. Piazza Alimonda, in quei pochi secondi, Piazza Alimonda en quelques secondes, arrive une vingtaine de manifestants. Milioni. Pas des millions. Esplodono il colpo d'arma da fuoco. Et c'est là che le coup qui tue Carlo est tiré. Quando parte il colpo, quand le coup part, quei pochi manifestanti les quelques manifestants présents s'échappent. Dicono che il defender era. Ils disent alors que le défendeur était bloqué bloccato, et le conducteur en panique. Ma in sei secondi, mais en six secondes, accende il motore, il enclenche la marche arrière, passa sul roule sur le corps de Carlo, ingrana la prima, remet la première, sul corpo di Carlo, roule une deuxième fois scena. Sur le corps de Carlo et disparaît. De tout cela, nous ne savons rien, bien sûr. Nous avons juste appris que Raphaël est à l'hôpital, en réanimation, mais hors de danger. En revanche, personne n'a de nouvelles de Leslie, Gwendal et Vincent, nos trois blessés qu'on avait fait monter dans une ambulance. Après plusieurs heures de marche et des dizaines de détours pour éviter la police, nous sommes enfin arrivés au stade dans lequel nous dormons. Est-ce que je vous ai dit que ce que je préfère dans ce genre de rassemblement, c'est les campements ? À Gênes, c'était un barnum de la taille d'un terrain de foot. Sous la toile, il n'y a pas un seul t-shirt qui ne porte pas un message. Pour la légalisation du cannabis ou qui appelle à faucher les champs d'OGM. Et aussi pour la libération de Moumia Abou Djamal. À l'époque, je ne pouvais aller nulle part sans tomber sur quelqu'un qui voulait libérer Moumia. Je me souviens de ce soir-là comme d'une belle soirée. Je discute longtemps avec Antoine de ce qui s'est passé et de ce qu'on fait là. On mange des frites molles en buvant une bière tiède. Les meilleures frites et la meilleure bière de toute ma vie. Je m'endors en me disant que le pire est derrière nous. En fait, ça ne fait que commencer. À l'aube du 21 juillet, Vincent nous retrouve enfin. Leslie, Gwendal et lui ont été séparés et livrés à la police par le personnel de l'hôpital. On se retrouve dans une caserne dont j'ignorais le nom, mais qui est la caserne de Bolzaneto. Ils nous emmènent dans une cellule Et là, voilà, je bascule dans un univers complètement différent où, quand j'arrive, il y a une vingtaine de personnes dans la cellule et ils me font prendre une position face au mur, la tête contre le mur, les mains écartées un peu au-dessus de ma tête face au mur, les pieds écartés, avec des policiers qui régulièrement me font changer de position, des bras soit plus haut, soit plus bas, soit des pieds. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Je n'avais pas toute ma lucidité, parce que donc, j'avais quand même été blessé dans la rue, pas mal de crâne. Il devait être 14 heures, j'avais rien mangé et rien bu depuis le matin. J'étais complètement exsumité, je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Il y a des policiers qui sont venus assez régulièrement pour nous taper sur le dos. Et je me rappelle une phrase, j'ai un peu honte, c'est une phrase horrible que j'ai dite. J'ai dit, mais c'est une erreur. C'est horrible de dire cette phrase, parce que c'était supposé que peut-être... C'est comme si je disais, pour les autres, il y avait une rationalité à ce qu'ils le soient, parce que peut-être qu'ils ont envoyé des KS aux flics. Et je dis, mais moi, j'ai juste tiré sur un fil pour faire tomber une grille qui n'est pas tombée. Enfin, j'ai rien fait, quoi. J'ai cassé une ficelle, quoi, c'est tout. Et j'ai honte de cette phrase. C'était débile, quoi, rétrospectivement. Mais à l'époque, à ce moment-là, je veux dire, le fait que je dise cette phrase... C'est que je croyais encore à une rationalité des forces de l'ordre, en fait, alors qu'il n'y en avait aucune. C'est juste que, à part moi, tu étais là, en train de manifester, tu étais un ennemi, point barre, quoi. Et là, il y a un type qui arrive et qui m'appelle. Il me dit, va par là, il ne me touche pas, contrairement à tous ces policiers. Putain, ce mec, voilà, il va être sympa. Et je me rappelle, décide de nouer conversation avec lui, putain. Bien, j'essaie de faire une blague. Je me rappelle de faire une blague, en fait, avec ce policier. Il me dit juste « chut ». Et là, ce policier, donc, il me regarde et puis il me dit « bon, maintenant, tu vas souffrir ». Et je dis « pourquoi ? T'as frappé Jeanne, t'as frappé Jeanne. Maintenant, tu vas souffrir, quoi ». Il commence à me tordre le bras, comme s'il voulait disjoindre le biceps du reste du bras, en fait. Il fait vraiment un geste très, très particulier. Il avait des paluches énormes, il était assez gros, il était hyper baraque. Et je crie. Il parlait hyper doucement, ça paraît une caricature, mais il parlait hyper doucement. Il m'a jamais crié dessus. Il m'a dit, il ne faut pas crier. Et là, il continue. Et là, je crie, et avec d'autres policiers qui arrivent, un policier dont je me rappelle, qui rigole à côté, en fait, et qui, quand je crie, me donne des coups de pied, en fait. Ça a duré... assez longtemps pour moi. Et le policier, donc, qui me tordait le bras en permanence, me dit de signer un truc. Et je dis, mais c'est quoi qui est écrit? Et il me dit, signe, tu sortiras, quoi. Vincent est relâché à quelques kilomètres de Gênes au petit matin. Leslie et Gwendal nous rejoignent 2 heures plus tard. Bouleversés par leur récit, par l'état de Raphaël, nous n'allons pas à la manifestation officielle du 21 juillet. On passe la journée au Media Center à tenter de contacter des journalistes pour témoigner de ce qui se passe. Au soir de la deuxième manifestation, qui a été aussi violente que la première, le contre-sommet est terminé. Des centaines de milliers de manifestants essayent de quitter la ville le plus rapidement possible. Nous, on a réussi à planquer Vincent dans un bus de syndicalistes qui rentre en France. Mais Raphaël n'est pas du tout en état de voyager. Qui restera à Gênes pour veiller sur lui? Chacun a une raison, plus ou moins bonne, pour ne pas rester. La discussion est tendue. Et moi, je regarde mes chaussures. Ça a duré assez longtemps, quand même, je crois. Je ne me souviens plus du nombre de jours que j'ai passé à l'hôpital en Italie. Ce que je sais, c'est qu'il y a des copains qui sont restés. Donc Mathieu et Anne, ils sont restés à Gênes, vraiment dans l'idée aussi de que je ne reste pas tout seul, en fait. On a conçu une reconnaissance éternelle, une sorte de pacte à vie, ça, c'est sûr. Et tu te souviens qu'on était sortis ensemble? Oui, bah oui, oui. Quel truc. Évidemment, je me souviens quand même de certaines choses. Faut pas déconner. Et tu m'en as voulu de ne pas être resté avec toi à Gênes? Non, pas du tout. Non, mais j'en voulais à personne de ne pas être resté, pas de problème. Non. Bah, de toute façon, voilà, on était séparés, il n'y avait pas de problème. Non, pas du tout. Quelle horrible question. Non, parce que moi, je m'en suis toujours voulu, en fait. C'est vrai. Ouais, bien sûr. À la fois, je me disais, on est séparés, il n'y a pas de raison que je reste. Et à la fois, je me disais, mais il faudrait peut-être que je reste quand même. Et... Mm. Et puis bon, après, j'avais peur, comme tous les autres. Enfin voilà, il y avait un truc. Donc c'est quand même un choix de fuite, quoi, que j'ai fait à ce moment-là. Bien sûr, j'ai un peu peur. Mais la vraie raison de mon départ, c'est Antoine. Je sais, depuis que je l'ai rencontré, que je suis amoureuse de lui. Il ne s'est rien passé. Je ne sais pas ce qu'il ressent, mais je le sais. C'est l'homme de ma vie. Alors oui, je trahis Raphaël. Mais c'est pour la bonne cause. Je suis en route vers mon destin. Pour moi, ça a aussi marqué un peu, on peut dire dans plusieurs sens, quoi, la fin d'une innocence, tu vois, que s'ouvrait en fait à ce moment-là une histoire d'amour et en même temps, politiquement, quelque chose de dur, quoi. C'était pas rencontre à Venise, quoi. C'était rencontre à Gênes, quoi. Et est-ce que tu crois que ça a influencé notre histoire, le fait qu'on se rencontre à Gênes? Bah, je pense que ce qui a influencé, c'était qu'on se rencontrait par du militantisme. Je pense de manière plus générale, c'est-à-dire que c'était quand même quelque chose qui, pendant très longtemps, c'est parti en fait de notre histoire, quoi. Je sais pas, toi, tu trouves quoi en fait parce que moi, parfois, je me dis que notre histoire, à un moment, elle a plus fonctionné parce qu'on voulait trop être parfait. On prenait pas le risque de s'engueuler ou de se montrer sous un mauvais jour ou je sais pas quoi, et qu'à un moment on était un peu glacé dans notre truc et que ça marchait plus, et que ce truc, cette espèce d'aspiration et une forme de grande beauté, ouais, je me demande si ça ne nous venait pas de gêne aussi. C'est sûr qu'en tout cas on était pendant longtemps, notre projet était aussi un projet finalement politique, quoi. C'était quand même quelque chose de très important qu'on faisait ensemble. Et qu'au bout d'un moment, en fait, ça s'est arrêté, quoi. Et c'est vrai que du coup, c'est plus difficile ensuite de savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble, en fait. Déjà, en plus, parce qu'il y avait, une vraie volonté de vivre autrement, quoi. Et que là, en fait, on se retrouvait finalement un peu, malgré nous, à devoir vivre un peu comme n'importe qui, quoi, et de savoir notamment du coup si on avait un enfant et si on construisait en fait une famille, si on achetait en fait un appartement, enfin voilà, sur des questions comme ça, sur lesquelles pendant des années c'était même pas un sujet, quoi, parce que finalement c'était pas ça qui nous reliait, quoi. Je sais pas, ouais. Ouais, mais vous arrêtez de bouger. En visitant la maison d'Antoine, en parlant avec ses filles, j'ai l'impression bizarre d'être en visite guidée dans une de mes vies possibles. Ça fait longtemps que vous êtes là, dans cette maison ? Ça fait depuis 4 ans. Et en plus, mais c'est magnifique. Et les carreaux de ciment, ils étaient là ? Ouais. Oh, c'est super beau, hein ? Une vie qui aurait été vécue par quelqu'un d'autre. Chef, ouais, en fait, ils avaient été posés. Une vie qui aurait commencé à Gênes, en 2001, quand j'ai choisi de partir plutôt que rester. A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap. Non so, siamo come topi in trappola. Io non me ne vado dal Nice. Pendant qu'Antoine et moi roulons en voiture vers une histoire d'amour qui ne finira pas heureuse avec beaucoup d'enfants, la police italienne attaque le Media Center. Les altermondialistes avaient déclaré « Nous sommes les médias ». Et profitait des possibilités nouvelles qu'offrait Internet pour proposer une information alternative. Le Media Center est l'épicentre de ce flux de textes, de sons et d'images. Su, calma. Du calme. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Nous n'avons rien fait. Stiamo semplicemente facendo informazione. Abbiamo Nous sommes tout simplement en train d'informer. Continueremo a denunciare quello che Nous sta continuerons à dénoncer ce que fait cet état criminel et cette police fasciste qui est entrée dans le siège d'une radio. La police détruit tout ce matériel et force la porte de Radio Gap, qui a émis durant tout le sommet. et jusqu'à la dernière seconde. Presque au même moment, de l'autre côté de la rue Cesare Battisti, en face du Media Center, la police prend d'assaut l'école Diaz, dans laquelle sont hébergés une centaine de manifestants. Diaz, lo sapete che hanno attaccato i ragazzi qui della scuola Diaz. Sì, signora, stiamo arrivando. À 22h, quand 300 policiers font irruption dans l'école, la plupart des gens sont endormis ou en train de se coucher. Moi, je me lavais les dents quand j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait plus. Mina, manifestante. Des moments où j'ai compris qu'est-ce qui nous arrivait, c'était parce que j'avais une fenêtre devant moi et j'ai vu que le flic, il commençait à casser le vitre avec leur matraque. Et donc là, oui, la petite étudiante bourgeoise a dit, mais qui me défend de la police? Tout le monde courait comme des poulets sans tête. Et il y avait des gens beaucoup plus organisés, politisés, que savaient déjà quelle était la position à prendre. Mais moi, je suis partie en panique. Et donc, j'ai vu des gens qui couraient par les escaliers, qui montaient les escaliers. Je suis arrivée au premier étage, j'ai vu deux gens qui attendaient l'entrée de la police avec les mains levées. Et ça m'a semblé une bonne idée. Je sais que là, il y a un moment, c'est ton destin, quoi. Dans quelle position tu te trouves, c'est ton destin à toi. Par exemple, moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais dans un coin de couloir. Donc, il n'y avait pas vraiment de la place pour prendre l'élan, tu vois. Le flic ne pouvait pas autant te matraquer. Et au milieu du couloir, il y a eu des gens qui ont vraiment risqué leur vie. Buonasera. Buonasera. Senta, sono qui dalla Cesare Battisti, la Diaz, dove ci sono il Genoa Social Forum. Pronto? Si stanno pestando di brutto, eh. Siete tutti maschi? Et donc ça faisait très peur parce que tu te disais pourquoi ils se masquent, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire, qu'on ne veut pas qu'on leur reconnaître. Et on était mais peut-être 5 ou 6 dans le même petit coin, donc on s'est fait très petite, mais il n'y avait pas trop de place. J'ai presque parfois l'impression que j'étais derrière le cheval. je m'étais fait tellement petit que j'avais l'impression d'être derrière le cheval. Je suis arrivée à Bolzaneto avec mon brosse à dents. Je m'appelle Scotto, 31 rue Lavinia. Ils sont en train de tabasser salement juste en dessous. Rue Cesare Battisti? Oui, mais c'est un massacre. Oui, merci, on le savait déjà. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Tout à coup, ça s'est calmé. Et du coup, j'ai pu voir de couleur. Il y avait tellement de sang. Il y avait tout le monde blessé. Des gens qui... Des gens qui criaient vraiment, mais tu vis, tu es encore en vie, tu sais, c'était incroyable. C'est, tout le monde qui saignait. Après, nous, on est restés assez longtemps, en fait, parce qu'on n'était pas très blessés. On était entre les dernières personnes qui sortaient de l'école. Et là, il y avait déjà tous les caméras, tout. Pour un moment, on se sentait en sécurité. Et là, ils m'ont mis dans une voiture, dans la camionnette des flics. Et on est parti. après, ils nous ont amenés à Bolzaneto. Ils nous faisaient sortir des camionnettes. C'était au milieu de la nuit et les phares des voitures étaient allumés contre le mur. Et donc, des groupes de 3 en 3, on devait se poser devant ce mur avec le bras et les mains levées. Ils nous ont pas donné à manger, ils nous ont pas laissé dormir. Et donc, à la fin, tu perds la notion du temps. Ceux qui étaient venus de l'école Diaz, ils nous faisaient des croix dans la joue. C'est les façons les plus simples de contrôler, de marquer. Et toujours, c'est continu, il s'est moqué de toi continuellement. Tu pues, t'es dégueulasse, regarde. C'était tout le temps comme ça. Et moi, j'avais aucun tatouage, aucun piercing, j'avais aucun... Mais les gens qui avaient ce genre de trucs, on les arrachait. C'était vraiment très, très brutal. Je me rappelle que ça puait vraiment. Je pense que c'est comme si... Je pense qu'il y avait des taches de sang. Enfin, je pense pas. Je me rappelle des taches de sang. Donc, il y avait des signes de violence partout. Mais après, hormonalement, c'est aussi difficile. Suer, la peur. Et ça se sentait, c'était vraiment... La première séparation, c'était, je pense, homme et femme. Au début, on était assises comme ça par terre. Enfin, petit, on se regardait. Lentement, tu essayais de parler avec quelqu'un qui était à côté de toi. Bon, mais il ne te disait rien, donc tu continuais un peu. Ça va, toi? Oui, toi, t'es espagnol? T'es quoi? T'es allemande? Ah, alors, salut. Et ça va? Comme ça, tu commençais à te connaître. Et après, bon, on commence à parler entre nous. Et donc, je commence à voir qu'il y a des filles espagnoles, qu'il y a des filles allemandes. Et donc, je commence à prendre le rôle que j'ai toujours pris, que c'est celle de traduire. Et donc là, je suis tranquille. Ça m'a beaucoup aidée, en fait, parce que de subir tout un truc à devenir utile, ça change beaucoup. On savait qu'on allait être libérés, mais ils nous ont tenus jusqu'à très tard, ou beaucoup des heures, encore en prison, jusqu'à qu'on a pu sortir. Et là, c'était dans des bus. T'arrives devant l'aéroport. Les portes s'ouvrent, bien sûr, tu te jettes dehors. Là, il y avait les consuls espagnols, il y avait ma maman, mon papa. Tu les embrasses et il n'y a plus de flics. Vous avez 48 heures pour quitter le pays. Et ils ont disparu. Parmi les manifestants anti-mondialisation ce week-end à Gênes, le mouvement pacifiste d'étudiants français, ARG, entendez, apprenti agitateur pour un réseau de résistance globale. Ils défilaient pacifiquement quand des carabiniers ont chargé. 3 personnes ont été blessées. L'association veut porter plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle recherche des témoignages. Pour les contacter, cette adresse e-mail contact@arrg.org. arrg.org. Dans les victimes, malheureusement, il y a aussi une hiérarchie. Il y a des victimes qui sont plus connues que des autres et des victimes que tout le monde veut interviewer. Et donc, les victimes type B, qui ne sont pas les victimes plus protagonistes, se sentent aussi mal de ne pas pouvoir raconter leur histoire ou de penser que personne ne s'intéresse à leur histoire ou... Il y a eu tant de victimes à Gênes qu'un abécédaire ne suffirait pas à les différencier. Il y a ceux qui ont eu peur et ne sont pas retournés manifester, d'autres qui ont été blessés, d'autres encore qui ont été handicapés à vie. Et bien sûr, il y a celui qui a perdu la vie. Et comme adesso è 20 anni che vivo senza Carlo. Ça fait maintenant 20 ans que je vis sans Carlo. Prima ti manca la quotidianità, la relazione. D'abord, il te manque le quotidien. Il tuo fratello, del tuo giusto rapporto la relation età. Avec ton frère. Poi tu invecchi, ma lui vous avez à peu près le même âge ragazzino. Et puis tu vieillis et lui reste un jeune homme. E quindi il dolore si trasforma, l'assenza diventa. Alors la douleur se transforme. Molto più pesante perché ti manca tutta la vita. L'absence devient plus pesante parce qu'il te manque la vie, tutta la vita que tu aurais pu avoir, fare, la vita celle qu'il aurait pu avoir, potuto fare con lui. Celle que tes parents auraient pu avoir avec lui. È tanta la vita che ci hanno portato via. C'est énorme toute cette vie qu'ils nous ont enlevée. Vraiment, le truc que je voulais, c'est qu'il m'ait rien enlevé, quoi. Je me disais, je veux pas qu'il m'enlève ma capacité à militer. Ça, c'était presque primordial, mais il y avait vraiment ça, surtout que c'était vraiment la période où j'étais à fond là-dedans. Donc, à réfléchir, bien évidemment, aussi. De réfléchir à des choses assez profondes et donc continuer les études, etc. Et puis aussi, bêtement, est-ce que je vais être capable de séduire encore des filles avec la tête que je vais avoir? Ça, c'était super important aussi. Et genre, si j'avais pas ça, la revanche n'était pas complète, en fait. Donc, vraiment, j'avais cette espèce de programme-là dans la tête. Assez rapidement, en fait, j'ai trouvé une compagne possible, en fait. Et du coup, ça a bien fonctionné. Elle a rempli plusieurs critères, mais une des choses, je le dis avec, en toute, comment dire, je trouve même pas le mot pour le dire, en toute superficialité, je vais dire, c'était une belle fille. Et avec mes stigmates physiques, ne pas être entre guillemets se retrouver à se dire bah il va falloir que je cherche des filles pas trop belles parce qu'elles vont pas vouloir de moi, ça me plaisait quoi, voilà, beaucoup. Je crois qu'on a tous perdu quelque chose à Gênes, même ceux qui n'ont pas de cicatrices, même ceux qui n'y sont pas allés. J'aurais jamais imaginé en fait à 22 ans qu'en fait ce combat, sous ces formes-là, voilà, ce qui reste aujourd'hui, c'est les Black Blocs, quoi. Finalement, c'est le seul truc dont on entend véritablement parler. Mais le monde a changé, mais est-ce que toi, t'as changé? Bah oui, bien sûr que j'ai changé, ouais. Ah ouais. Je suis moins violent, quoi. Je me sens moins, en fait, dans une volonté de manifester ou d'avoir des actions. On voit les choses, en fait, autrement. Quand on a 40 ans, que quand on a 20. Quand on en a 40, en fait, on voit les choses avec plus de complexité, on est moins dans le jugement, en fait, rapide, quoi. Et en même temps, du coup, ça empêche aussi de faire des choses, quoi. Moi, à Gênes, je suis une victime de catégorie Z. Je n'y ai perdu que des certitudes. Et moi aussi, j'ai changé. Je vois les choses avec plus de complexité que je ne les voyais il y a 20 ans. Mais je ne suis pas sûre que ce soit forcément paralysant d'avoir moins de certitudes. Par exemple, là, c'est moi que vous entendez. C'est lors d'une manifestation à Nice, en 2000. Je suis en train d'engueuler un jeune type qui défonce la vitrine d'une banque avec une barre de fer. Arrêtez-les ! À l'époque, je pensais que les Black Blocs étaient mes ennemis et j'étais sûre que la police était là pour me protéger. L'expérience de Gênes m'a obligée à penser autrement pas mal d'aspects de ma vie. Elle est aussi le point de départ de la série documentaire que vous êtes en train d'écouter. Finalement, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus après cette période-là. Je me suis dit, bah non, mais en fait, au fond, j'ai fait des choses qui correspondaient à ce que par tempérament je pouvais faire, mais ça signifie pas pour autant qu'il y a lieu, par exemple, de désapprouver des moyens d'action qui seraient un peu plus musclés. La perception qu'on avait, par exemple, à Gênes des Black Blocs, par exemple, moi, j'aurais pas la même perception aujourd'hui, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, on les a considérés comme des types qui faisaient n'importe quoi, enfin qui potentiellement étaient peut-être infiltrés par les flics, qui étaient un peu glauques, qui étaient tout en noir, et alors que nous on était là en tutu rose, voilà, et puis qui étaient dans des logiques aussi éventuellement un peu virilistes de confrontation avec les flics et tout ça. Et Moi, là-dessus, aujourd'hui, enfin, je sais pas, je trouve que par exemple, typiquement, l'irruption des cortèges de tête au moment de la loi travail il y a 4 ans, moi, c'est un truc qui m'a vachement réjoui, enfin, qui participe aussi d'un brouillage des frontières, parce que, enfin, les gens qui se retrouvent dans le cortège de tête sont pas forcément des gens qui sont prêts à aller en découdre avec la police, mais qui sont, disons, dans une logique de cortège offensif. Et ça, je trouve ça intéressant. Je me rappelle, alors je pense pas que c'est la reconstitution, mais face au flic qui me tendait le bras, je me rappelle me dire « Putain, toi, je vais te retrouver un jour dans un poteau. » Alors, je pense pas que je me le suis dit au moment où il le faisait, mais je me rappelle le fantasmer très très fort le lendemain. Il faut qu'on les retrouve, ces enfoirés, quoi. Et enfin, là, je pensais pas du tout réparer sur ma sein et tout, mais je voulais juste retrouver les flics en question, quoi. Les flics dont je te parle, je sais pas s'ils sont encore de ce monde, il y a des chances que oui. Je les ai jamais revus et pourtant, j'aurais mérité de les revoir. Et donc, je suis retournée pour la première fois en 2004. On s'est retrouvés ici à beaucoup. On a connu des avocats, on a connu cette petite bureau d'aide légale. J'ai vu une telle force, une telle énergie. En fait, c'était la première fois que j'étais dans le centre historique de Gênes. Donc, c'était la première fois que je voyais la zone rouge. Et je suis tombée amoureuse de cette ville, de cette énergie. Il y avait des gens dans le bureau qui travaillaient tout le temps. Tu t'imagines, il y avait des milliers de photos et des milliers des audios de la police. Et comme ça, ils ont réussi à créer toute cette archive. Ils ont vraiment fait des découvertes. Ce travail de fourmi du Genoa Legal Forum va durer plus de 15 ans. À l'aide d'archives vidéo et audio, les deux journées de violence sont reconstituées minute par minute. Pourtant, très peu de policiers sont condamnés, et si tard qu'ils sont amnistiés. De plus, protégés par leur administration, ils ne sont pas inquiétés et la plupart d'entre eux feront une très belle carrière. En revanche, 13 manifestants sont condamnés à 12 ans de prison pour les destructions matérielles commises dans la ville. Il faut attendre 2017 pour que la Cour européenne des droits de l'homme qualifie de torture les actes commis à Dias et à Bolzaneto et condamne l'Italie à indemniser 48 plaignants. Donc on se sent un peu comme petit poulet contre le monde. Mais on sait que c'était quelque chose de tellement exceptionnel. Mais je pense que ce dont je suis le plus fière, c'est que tu peux aller sur Wikipédia et c'est écrit noir sur blanc. C'était qui les autres gardes de la police, c'est quoi qu'ils ont fait. Et arriver à faire passer ton histoire. Ça, c'est pour moi ce qui est le plus important. Et ça, c'est un grand privilège de dire... moi, j'ai imposé cette version. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est ça qui s'est passé. Je pense que, surtout en Italie, où il y a une grande tradition, les mystères de l'Italie, on appelle ça. Tout le monde sait ce qui s'est passé, mais on peut pas le dire. Et même la mort de Carlo Giuliani, malheureusement, appartient à cette partie-là, où il n'y a pas eu de procès, où en vérité, tout le monde le sait. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on peut presque pas le dire. Le meurtre de Carlo Giuliani est conclu par un non-lieu, alors même que Mario Placanica, le carabinier qui l'a tué, a reconnu avoir tiré. Mio fratello non torna indietro. Mon frère ne reviendra pas. Io penso che il processo dovrebbe volerlo. Je pense que le procès, c'est le pays qui en a besoin. Per un senso democratico. Pour des raisons démocratiques. È una ferita della democrazia quello che è successo. È una ferita della democrazia quando. Parce que c'est une atteinte à la démocratie ce qui s'est passé. Ammazza un cittadino. Quand l'État assassine un citoyen. Dovrebbe essere un dovere dello Stato. Fare luce veramente. Ça devrait être un devoir de l'État de faire la lumière sur ce qui s'est passé. E quindi A Carlo non gli fa assolutamente niente che venga fatto o meno un processo. Don Carlo, ça ne lui fait absolument rien qu'il n'y ait pas eu de procès. Potrebbe invece essere utile ai figli di domani. Mais ça pourrait être utile pour les filles et les fils de demain. Non essere ammazzati in queste situazioni. De ne pas être abattus dans les mêmes circonstances. Gêne 2001. Manifester, tuer. Une émission d'Adila Benedjaizou, réalisée par Annabelle Brouard. Avec Salvatore Palida, JC, Antoine, Raphaël, Mina et Elena Giuliani. Avec la voix de Pauline Jambet. Mixage, Antoine Viossa. Merci à Clémence Gross, Thomas Beau, Olivier Minot, Carlo Bachmitt, Marco Preve, la Villa Médicis et à tous les Argonautes qui n'ont pas été interviewés. Ce documentaire est dédié à Vincenzo Vecchi, qui vit sous la menace d'un mandat d'arrêt européen pour avoir manifesté à Gênes en 2001. La série documentaire, attachée d'émission Marivonne à Bolivier, coordination Perrine Carbrand. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter en Italie, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Anaïs Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, un siècle de manifestations. Mais en attendant, restez à l'écoute.